mardi 26 novembre, il est 17h30. Bienvenue à l'aérospatiale dans cette émission consacrée à l'univers des arts visuels. J'ai gagné avec vous jusqu'à 18h30. Aujourd'hui à l'émission, bien entendu, Raymond Poirier viendra nous faire sa revue de presse. On reçoit Danny Coyne et Jocelyn Gass autour d'une rétrospective de ce dernier à la maison Amel Bruno. Valérie Laforge, conservatrice du musée de la civilisation, vient nous parler de l'exposition Pierre Gauvreau, j'espérais vous voir ici, qui est présentée au musée du même nom. Et finalement, Jean-Tienne Lafrance viendra nous entretenir au sujet d'exposition Soustraction de Richard Deschênes qui est présentée à vue. Le tout sera, comme à l'habitude, ponctué des suggestions audio de Simon Roy. Bonjour Simon. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Tu nous as manqué la semaine dernière, on avait hâte de t'entendre aujourd'hui. Ben oui, ça m'a manqué moi aussi, je pouvais vraiment pas, mais c'est ça, j'étais content d'être de retour cette semaine. Voilà, cette semaine, Simon, on écoute Kisama et Josh McCurdy. Oui, ben c'est ça, c'est le même artiste qui s'est amusé à remixer ses propres pièces. Il y a peut-être 7 ou 8 albums à son actif, puis il a puisé dans son matériel pour réussir à faire cet album-là. Donc, il revisite ses albums antérieurs. Ce qui m'a accroché un peu sur l'album, c'est surtout la pochette, une belle aquarelle avec un peu de dessin au travers. Quand les auditeurs vont télécharger l'album en passant par le blog de l'aérospatiale, vont pouvoir voir la pochette de l'album. C'est côté musical, c'est des collages audio. Il y a un peu de drone au travers, beaucoup de noise. Donc, ça fait des pièces quand même assez chaotiques, des pièces quand même assez longues aussi. Donc, ça se prête peut-être pas aux extrêmes. Il y a une belle progression au travers des pièces. On passe par toutes sortes d'univers différents. Donc, c'est un album qui a accroché mon oreille cette semaine. Simon, dis-moi, tu m'as dit que c'était le même artiste. Il se présente sous le nom Kisama, Josh McCurdy ou les deux? C'est ça, que Kisama, c'est le pseudonyme de Josh McCurdy. Donc, OK, donc il peut publier autant sous les deux noms ou tout simplement, habituellement, c'est Kisama, puis... C'est ça, il a fait vraiment les deux, puis là, il a décidé de réunir les deux pseudonymes sur le même album. OK, c'est bon, je pensais que peut-être son nom, c'était un autre, puis il s'est amusé à délirer là-dessus. Eh bien, Simon Roy, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On t'écoute à Web Musique dimanche à 20h. Et d'ici là, ben, on écoute un extrait d'une première pièce, en fait, Congo Square Free Day, sur les ondes de CKRL. De retour à l'aérospatiale, j'accueille Raymond Poirier pour la revue de presse. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe-t-il cette semaine? Ben, en fait, on le sait, là, il y a eu des prix remis hier soir. Oh oui, remise de prix du côté du Musée national des beaux-arts. C'était la 27e édition des prix d'excellence des arts et de la culture du Conseil des arts et de la culture de Québec et de Chaudière-Appalaches. Et notamment, évidemment, un petit trio de prix qui sont offerts par Manif d'art, prix Vidéré, relève en arts visuels qui a été remis à Natalia Petkovic. Kova pour son exposition Patagraphie qui était présentée à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval. Prix Vidéré Création en arts visuels, donc un artiste qui est récompensé pour sa production récente, un artiste établi. Ça a été remis à Muriel Lehmann pour son exposition Anglo-Canadian Pulp and Paper Mills qui avait été présentée à Vue. Également prix Reconnaissance, donc pour l'ensemble de sa carrière. Alors, un prix quand même assez important, évidemment, également, qui a été donné cette fois-ci, cette année, à Denise Blackburn pour sa création active et très actuelle en estampes, aussi pour sa générosité et son investissement, lesquels contribuent au dynamisme, nous dit-on, de la communauté artistique de Québec. À noter également, il y a un autre prix qui a été offert à quelqu'un de la sphère des arts visuels. Il s'agit, et j'essaie de le retracer... Il me semble que c'est l'œuvre de l'année. Exactement, l'œuvre de l'année pour la région de la capitale nationale qui est offerte à Diane Landry pour son installation performance Brise-glace qui était présentée dans le cadre du mois multi à la galerie Engram, donc qui a été récompensée également. Alors ben voilà, sinon petite mention également les incomplètes qu'on avait vues aussi un peu du côté du musée des National des Beaux-Arts. Oui, qui font des parcours artistiques pour les jeunes enfants. Exactement, eux ont été récompensés du prix de la Ville de Québec dans leur cas pour souligner le dynamisme de leur créativité et également leur essor quand même assez important au fil de la dernière félicitations année. À tout ce beau monde. Et j'ai presque envie, côté prix, qu'on se transporte vers Montréal parce qu'on ne quitte pas, c'est vraiment la saison des prix en art visuel comme ailleurs, cela dit. Notamment, mais du côté de Montréal, c'est la GAC, l'Association des galeristes et la Ville qui donne deux prix, en fait, les prix Pierre Ayot et Louis Comtois. Alors, les finalistes, en fait, de ces deux prix qui vont être remis le 11 décembre prochain visent à reconnaître des artistes qui se sont démarqués, des artistes qui mettent en valeur le potentiel des créateurs montréalais dans le domaine des arts visuels. Alors, pour le prix Pierre Ayot, on parle de Marc-Antoine K. Faneuf, de Sayed Sarfaraz et de Kim Waldron, qui sont finalistes. Pour le prix Louis Comtois, alors on parle plutôt ici de Miloutine Goubache, de Manon Labrec et de Stéphane Larue. Donc, alors, en fait, pour distinguer les deux, en fait, Pierre Ayot, c'est la nouvelle création en arts visuels. Louis Comtois, c'est un artiste en mi-carrière. Ben, ça sera à suivre. On a sûrement. Quand est-ce qu'on a le résultat? 11 décembre. 11 décembre, voilà. Donc, ça s'en vient quand même. On en reparlera, évidemment. Là, ça reste, nous, sur notre petite pile de dossiers à suivre. Notre petite pile de dossiers à suivre, oui. Ben, j'en ai fait une petite à côté de la grosse. Là, parce que OK, on se rend plus au-dessus. Notre deuxième pile, donc. Et sinon, ben, moi, de la photo, puisqu'on est du côté de Montréal, on sait qui assumera le rôle de commissaire invité. Il s'agit du Catalan Juan Fontcuberta. Donc, 14e édition, pardon, de la Biennale de photographie contemporaine. L'artiste a choisi donc de creuser le filon de la condition post-photographique, un thème auquel devrait s'articuler là, la programmation d'expositions, publications, colloques et autres activités. Les artistes qui vont être appelés dans le contexte de ce mois de la photo à poser un regard critique sur les transformations radicales qu'a subi l'image dans la foulée de la deuxième révolution numérique, donc avec le web et le reste. Donc, quel impact ça a sur l'image, sur la photo? Intéressant. Oui. Quand même. Parce qu'on sait que ça a un impact, évidemment. Et en même temps, ça prédispose et ça suggère moult explorations Mais assez oui. stimulantes. Sinon, on reste au Québec. On a fait un petit bilan du côté de l'Institut de la statistique du Québec pour savoir pour quel montant les collectionneurs, les établissements collectionneurs du Québec ont acheté en œuvres d'art pour 2011-2012. On parle de 12,8 millions d'acquisitions. Donc, un montant qui est supérieur d'ailleurs à la moyenne des cinq dernières années, une moyenne qui se situe autour de 11,8 millions de dollars par année. Donc, ça, c'est l'enquête statistique sur les acquisitions d'œuvres d'art. Et, en fait, essentiellement, on remarque donc... Qui a donc un peu plus d'œuvres, un peu plus onéreuses qui sont acquises par les 163 établissements québécois, donc des institutions muséales, des entreprises propriétaires d'une collection, des grandes municipalités et plusieurs autres. Donc on parle sur les 163 établissements interrogés, il y en a 128 qui ont acheté 989 œuvres d'art, les 35 autres n'ont tout simplement pas fait d'achat l'année dernière. Et en terminant, je suis tombé, en fait, c'est au fil de mes pérégrinations web, des fois je tombe sur des entrevues que je trouve quand même assez intéressantes, et ici, en fait, c'est une réflexion sur quelqu'un, en fait, le vice-président des Amis du Louvre, chargé de mission au département d'art graphique, donc Louis-Antoine Pratt, qui a publié un condensé de 3 ans de cours sur le dessin français du 27e siècle, du 17e siècle, voyons, où est la nomenclature romaine, oh, c'est correct, t'as le droit, et il réfléchit un peu peu sur l'évolution des arts contemporains, parce que lui, en fait, dans l'évolution et dans le travail qu'il faisait au niveau des collections de dessins, ben, il y avait toujours un souci, justement, d'intégrer l'actualité. Et plusieurs questionnements que j'ai trouvé assez intéressants. D'un côté, en fait, il y a cette notion, cette idée, à savoir, est-ce que la bulle dont on a parlé au fil des dernières semaines, donc la bulle contemporaine, est-ce que c'est une bulle qui est un peu similaire à d'autres bulles qu'il y avait eu au 19e siècle, donc des collectionneurs qui s'étaient, disons, concentrés sur certains artistes qui avaient fait monter très, très rapidement leur valeur, mais par contre, une fois que ces collectionneurs-là s'étaient retirés ou étaient décédés, ben la bulle était retombée, donc n'était que le fait de quelques personnes versus le fait d'un ensemble, d'un groupe de personnes. Lui dit, regardez, on peut effectivement avoir ces préoccupations-là, mais la situation est bien différente dans la mesure où il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent à l'investissement en art. Donc, nécessairement, c'est une bulle qui risque de perdurer. Par contre, il y a le problème que ce n'est pas nécessairement une bulle de connaisseurs, de gens qui savent qu'est-ce qu'ils achètent au-delà de la valeur de ce qu'ils achètent. Et donc, ce qui fait que ça amène certains artistes, il mentionne notamment Jeff Koons, à être peut-être un peu surévalués par rapport à la variété de leur production, où les gens disent, enfin, on achète plutôt l'idée d'avoir une œuvre de l'artiste plutôt que l'œuvre elle-même. Et en même temps, ça permet aussi des itérations multiples d'un même concept, d'une même idée, puisque les gens veulent tous être propriétaires d'une fraction de cette idée-là, plutôt que d'avoir une œuvre qui serait véritablement unique. Donc, est-ce qu'on a un marché de collection qui est pas nécessairement le fait d'experts et donc qui va amener une évolution peut-être un peu flouée du marché de l'art et donc des tendances de l'art contemporain au fil des prochaines années, ou est-ce qu'éventuellement ça va s'équilibrer? Alors, c'est un peu les réflexions qu'il propose là, au Figaro. Je trouvais ça assez intéressant. Oui, effectivement. Évidemment, on projette l'article via notre blog, donc si on veut le retracer, donc l'aérospatiale.wordpress.com. Voilà. Ben, Raymond Poirier, merci infiniment. Ça me fait plaisir. On va en pause audio, on écoute un extrait de la pièce Space Scene Moonrise sur les ondes de CKRL. On est de retour à l'aérospatiale. On écoutait un extrait de l'album Kissama versus Josh McCurdy, une suggestion de Simon Roy. C'est publié aux étiquettes Completely Gone Recordings. Depuis deux semaines, je crois, il y a à la maison Amel Bruno une rétrospective de Jocelyn Gasse. Et pour nous en parler, l'artiste lui-même, bonjour. Bonjour. Et le commissaire de l'exposition, Danny Quine, bonjour. Allô. Ben moi, j'ai envie de poser la question. Une rétrospective comme ça, c'est un projet d'ampleur. Comment c'est né un peu ce projet-là? Moi, je visitais la maison Amel Bruno. Je suis un habitué de cet endroit-là. Et les salles me disaient 5 périodes, 6 périodes. Et ma démarche depuis une quarantaine d'années correspond à 5 à 6 périodes marquées. Et je voyais tout de suite la possibilité de faire une rétrospective représentant ces 5 périodes-là. J'ai contacté les autorités de la maison et puis on a établi ce projet-là. Et j'ai rencontré par la suite mon ami Danny qui... Je dirais pas qu'il s'est empressé, mais il a réfléchi à la possibilité d'être du projet, c'est-à-dire de faire le commissariat du projet. Oui, parce que j'imagine c'est assez difficile de faire soi-même le commissariat de sa propre production. Oui, parce qu'il faut quelqu'un qui a une vue extérieure à nous-mêmes, parce qu'on est trop concentré. Et de là, la nécessité est même... la nécessité d'avoir quelqu'un qui fait quelque chose de l'extérieur, qui nous voit de l'extérieur, qui nous examine de l'extérieur. Ouais. Puis je t'ai examiné. Et Danny Quine, justement, est-ce que c'est la première fois comme ça que vous faisiez un commissariat sur un artiste? Non, c'est pas la première fois. J'avais fait déjà quelques expériences là, de cette nature, mais jamais une rétrospective. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant, et surtout avec Jocelyn. Ça m'a permis en même temps d'explorer des univers que j'avais un peu délaissés quand j'avais fait mon doctorat à l'université où j'avais exploré non seulement les arts visuels mais aussi la psychologie. Et donc, en voyant la belle bébite qu'il y a... Donc, je me suis beaucoup, beaucoup amusé. Et ça donne, je pense, c'est pas parce que j'y ai collaboré, mais ça donne une exposition vraiment exceptionnelle, à mon avis, et qui permet aux visiteurs d'avoir une idée de ce Golden Boy des années 70, 80, 90, parce que peut-être que les gens, ça leur dit rien, surtout les plus jeunes, Jocelyn Gasse, mais Jocelyn Gasse, évidemment, c'est un nom incontournable de la scène artistique de Québec. Alors, donc ça, c'est déjà exceptionnel. C'est la première rétrospective de Jocelyn Gasse à Québec. Et ça nous permet aussi de voir, je dirais, le passage de la modernité à la postmodernité. Parce qu'il faut savoir que dans les premiers temps, Jocelyn Gasse s'adonnait à la performance, s'est adonné au néoplasticisme, à une abstraction géométrique, et petit à petit, la figuration s'est émissée là-dedans. Et il est passé par toutes sortes d'expériences figuratives, mais je dirais profondément postmoderne. Et donc, même pour les jeunes qui sont au cégep, de vivre une exposition comme ça, qui nous amène à passer de la modernité à la postmodernité. C'est comme un parcours, en fait, de l'histoire de l'art ça, des années 70 à aujourd'hui, à là, avec le renouveau de la figuration dans les années 80, les néo-romantisme, néo-expressionnisme aussi, là, vous tout en parlez. Tout à fait. Et ça, c'est grâce, je dirais, à la liberté, à l'esprit d'indépendance qui anime Jocelyn. Et je dois ajouter là-dessus que mon cheminement est à l'inverse un petit peu de ce qui se passe pour un artiste d'aujourd'hui. Je ne dirais pas que je m'assagis, mais la forme dans laquelle je travaille présentement est beaucoup plus près d'une technique classique, c'est-à-dire de la peinture, c'est-à-dire un moyen d'expression classique. Et j'ai commencé, comme Danny l'a dit tantôt, par des projets beaucoup plus conceptuels et relevant de la performance et de d'autres formes. C'est intéressant que vous dites ça parce que j'y ai pensé justement en regardant l'exposition, en regardant le catalogue. Je me disais, on sent, plus le temps passe, plus il y a de la fougue. Aussi, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment fasciné. Oui. Souvent, on voit cette fougue-là en jeunesse, puis les artistes vieillissent, ça s'agissent et vont tendre aussi parfois vers quelque chose de plus classique, justement. Vous, qu'est-ce qui explique justement cette fougue-là des dernières années? Ben, je dirais que c'est un besoin. Un besoin d'extérioriser quelque chose qui bouille à l'intérieur. Et aussi une frénésie difficile à expliquer. C'est une frénésie du temps. Moi, j'ai une obsession, entre autres, comme Denis disait, l'obsession avec le temps. Le temps, c'est très important pour moi. Disons, le temps, le passé, le présent, le futur... C'est une des mes préoccupations majeures. Je devrais peut-être pas m'en préoccuper, mais c'est une préoccupation. Et tout dernièrement, dans mes derniers projets, on voit que le temps là, disons, m'amène à certaines décisions, à certaines choses qui sont escamotées, entre autres la couleur, entre autres les dimensions, les proportions entre les objets, entre les personnages, etc., etc. J'en parlerai plus longuement dans une exposition que je tiendrai ultérieurement. Décembre, oui. Donc, mais pour revenir à la fougue, il est sûr et certain que l'énergie, je pense que c'est en dedans de nous jusqu'à notre mort. Les moyens de l'exprimer, c'est des moyens physiques, la plupart du temps, là, qui nous empêche de le faire, mais tant et aussi longtemps qu'on a les moyens de le faire, moi je pense que pour moi en tout cas, c'est ce que je vais faire. Vous dites que le temps c'est une obsession, vous avez dit Dan Quinn a noté celle-là parmi tant d'autres. Quelles sont les obsessions de Jocelyn Gass? Doit-il dire devant l'artiste? Oui. Alors, moi ce que j'ai remarqué dès le départ, c'est le paradoxe. Je dirais qu'il évolue toujours dans cette espèce d'univers où on voit que Jocelyn, par exemple, reprend beaucoup le thème du feu, reprend le thème de l'eau, notamment. Et d'ailleurs, en revoyant, parce que évidemment, lorsque il m'a proposé d'être commissaire, je suis allé chez lui, il m'a montré tous ses trucs, des milliers de tableaux. Un accès privilégié. Hein? Oui. Et donc, je voyais des choses tout à fait récurrente. Et là, je me dis, mais à quoi c'est dû, cette récurrence-là, dont l'eau et le feu, puis il y a d'autres trucs aussi. Et là, je commençais à lui poser des questions sur son enfance et tout ça. Et D'où le passé en psychologie, oui, ben voilà. Doctorat. Quoique, bon, évidemment, j'ai pas fait des études en psychologie clinique, là, loin de moi, sauf que ces études-là m'ont amené à explorer des méthodes d'analyse, dont la méthode phénoméno-structurale, et c'est un peu ça que j'ai utilisé. Et donc, ces propos, combinés, évidemment, à ces œuvres, m'ont permis, justement, en tout cas, de voir ou de remarquer qu'il y avait des antagonistes là, dans son travail. Alors, en parlant de sa jeunesse, là, il s'est mis à parler, par exemple, d'un incendie qui avait eu cours à deux reprises dans sa rue, à deux maisons de chez lui, qui l'avait beaucoup marqué. Et, paradoxalement, dans le sous-sol de sa maison, pour ne pas dire dans la cave de sa maison, il y avait un genre de source d'où coulait de l'eau. Donc, l'eau et le feu. Et puis, d'autres trucs aussi que je pense les visiteurs pourront s'amuser à découvrir. Et en passant, ce qui est intéressant, c'est que, et là, je félicite la ville pour nous avoir permis de faire un superbe catalogue. Oui, vraiment, hein, qui est gratuit, disons-le. Qui est gratuit, c'est pratiquement un livre, même, je pense que j'ai vu écrit dans le soleil le week-end dernier, où on utilisait le terme livre plutôt que catalogue, là. Il y a quelque chose de parce cet quand même, ordre-là. C'est substantiel. C'est là. Très substantiel. Il y a beaucoup de textes, mais surtout beaucoup d'images, beaucoup de photos. Non seulement toutes les œuvres qui sont à l'exposition sont reprises dans le catalogue, mais également il y a des œuvres que j'ai vues dans la collection de Monsieur Gass. Dans sa collection personnelle, qui viennent, je dirais, éclairer le propos. Et Jocelyn Gass, moi je me pose la question, donc l'idée de rétrospective c'était la vôtre, mais comment, quel regard on porte sur notre création quand on la voit d'une part réfléchie par quelqu'un et d'autre part aussi comme disposée comme ça là, sur les murs? Donc, c'est intéressant à voir, pour moi, là, intéressant à voir pour qu'on puisse définir d'où vient le présent. Ce qu'on fait présentement, c'est ça a été fait parce qu'il y a eu telle chose qui a été faite avant, etc., etc. Et moi, disons, dans l'exposition, vous allez voir des boutades, en fait, contre des rebelles, des rébellions envers moi-même. À chaque période, c'est une rébellion envers moi-même. Et ça, j'ai revécu ça. Mais il faut pas trop y rester trop longtemps dans le passé, une rétrospective, parce que quand on s'attarde trop longtemps sur une période, ben là, on commence à trouver ça bien, puis on commence, ah, c'était le bon temps. La nostalgie. La nostalgie, puis... À un moment donné, c'est assez. Oui, parce que mais c'est quand même assez étonnant et ça montre jusqu'à quel point Jocelyn est libre dans son travail, dans sa façon de voir les choses, parce que il faut dire que il y a certaines séries, notamment à la fin des années 80, début des années 90, sorte de figuration assez idyllique qui a été mais vraiment là très populaire, il a vendu beaucoup à l'époque et là comme du jour au lendemain, il change de manière avec quelque chose de plus plus expressionniste, néo-expressionniste, ouais. Plus glauque d'une certaine manière, beaucoup moins facile de l'agencer avec la moquette ou bien ou bien le fauteuil. Et ça, c'est vraiment du Jocelyn Gass tout craché. Cette liberté-là, justement, ouais, de faire un peu, pas table rase quand même, parce qu'on garde toujours un fil, mais d'aller toujours de l'avant. Ben, c'est sûr que moi, au niveau de la liberté... Le fait que j'enseignais aussi, là, de façon pratique, ça pouvait, mettons, contribuer à ce genre de liberté-là. Mais j'ai jamais été la personne qui me disait, bon, faut que je continue dans telle voie. Lorsque je faisais un travail et que je pensais à un autre, d'autres choses qui m'intéressaient, c'était pour moi terminé. Ouais. Il fallait que je pense à d'autres choses. Faire quelque chose puis avoir d'autres choses dans la tête là, ça fonctionnait pas. Non, ça fonctionnait pas. Peut-être en terminant parce que c'est déjà l'heure de la fin de l'entrevue. En décembre, une exposition pour vous à la galerie galerie entre parenthèses. Voilà, merci, j'oubliais le nom, c'est au cégep de Sainte-Foy. Une sélection de tableaux grand format que j'ai réalisé à New York au cours des années 2012 et 2013. Donc, vraiment très, très récent. Oui, c'est récent. Donc, voilà. Ça va être exposé du 7 décembre au 12 janvier, je crois, et le vernissage aura lieu le 10 décembre. Voilà, donc on note ça à notre agenda. Danny Quine, Jocelyn Gass, merci beaucoup. Ben, c'était un plaisir. Puis la rétrospective a toujours lieu à la Maison Amel Bruno, c'est jusqu'au 22 décembre. On s'en va en courte pause, au retour on discute avec Valérie Laforge au sujet de l'exposition Pierre Gauvreau. J'espérais vous voir ici, au Musée de la Civilisation. Un spectacle unique en son genre, de l'improvisation théâtrale où vient s'imposer une contrainte ou un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. Le vendredi 13 décembre, 20h à Premier Acte, 870 de Salaberry, la Ligue québécoise d'impro BD vous invite à venir découvrir son spectacle « Improvise-moi une BD ». Billets 12,50 $ sur fbdfq.com ou à la porte. Initié par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, cette soirée de la Ligue québécoise d'impro BD est présentée en collaboration avec CKRL. Découvrez un événement hors du commun. On a voulu un chat parce qu'on l'a aimé tout de suite. Parce qu'il est tout cute avec ses petites pattes. Parce qu'il vient nous coller le soir devant la télé. Parce qu'il me réveille le dimanche matin. Parce que les enfants s'en occupent plus. Parce que sa litière est encore pleine. Parce que ça me coûte tellement cher. Parce que c'est bien trop de responsabilité. Parce que j'en veux plus. Si vous êtes prêt à avoir un animal de compagnie, demandez-vous si vous êtes vraiment prêt à vous en occuper. Un message du gouvernement du Québec. Donna Summer. Lip sync. Si t'es comme moi pis que t'aimes danser sur le disco, yeah! Je t'attends le 30 novembre pour une soirée bien spéciale avec le retour du disco au quartier de Lune. ABBA, Amy Stewart, Barry White, Bee Gees. T'as pas besoin de danser comme John Travolta, mais ça aide. Le disco au quartier de Lune, 799 avenue Cartier. 418-523-4011. Quartierdelune.com. Yeah! J'ai une recette immanquable pour les grosses fins. Dans un chaudron, vous versez une poignée d'huile, quelques ours polaires. Ajoutez un chèque que vous signez généreusement. Mettez un ou deux zéros de plus, c'est encore meilleur. C'est la grande guignolée des médias. Jusqu'au 24 décembre, faites le 1-866-908-9090 ou apportez vos denrées non périssables chez Jean Coutu, Provigo Maxilloblase. Donnez. Les besoins sont grands. Point d'exclamation fêtera bientôt ses 10 ans. Cette boutique située dans le Faubourg Saint-Jean s'était donné une mission. Encourager et supporter les créateurs et les entreprises québécoises en offrant des bijoux, des vêtements et des objets rares aux gens du quartier et aux touristes. À l'aube de son 10e anniversaire, on peut dire mission accomplie. Précurseur dans le quartier, certains diront même de la ville, Point d'exclamation a fait la promotion de plus de 250 créateurs d'ici, en plus d'offrir la ligne de bijoux Euphorie Design. Création de la propriétaire Diane Bergeron. Toujours en mouvement et à la recherche de nouveautés, la boutique Point d'exclamation propose aujourd'hui ses trouvailles, des articles de brocante, sans oublier ses superbes vitrines qui égayeront vos pupilles. Objets d'art, objets rares. Toutes les raisons sont bonnes de s'exclamer au 762 rue Saint-Jean. Abonnez-vous à leur page Facebook pour vous tenir au courant des nouveautés et des promotions. Il est 18h, on est de retour à l'aérospatiale. Julie Gagné, toujours avec vous jusqu'à 18h30, accompagnée, bien entendu, de Jacques Gignac à la mise en onde. Il y a deux semaines, je crois, on parlait de l'exposition Pierre Gauvreau à la galerie Michel Guimond. Ben, on se réservait le plaisir de parler de celle de la grande exposition, en fait, Pierre Gauvreau. J'espérais vous voir ici, qui est présentée au Musée de la Civilisation. Et pour en discuter avec nous, conservatrice au musée, Valérie Laforge, bonjour. Bonjour. Peut-être en commençant, c'est quoi un peu l'origine de cette exposition-là? Je crois, si je ne me trompe pas, ce n'est pas une donation de Mme Jeannine Carreau? En fait, non, parce que la donation est venue après l'idée de l'exposition. OK. En fait, c'est un de mes collègues conservateurs, Christian Denis, qui s'occupe de l'art populaire, qui a été invité chez Pierre Gauvreau et Jeannine Carreau à leur maison de campagne, parce que Pierre Gauvreau et Jeannine Carreau collectionnent l'art populaire et sont très, très friands de cette forme de création libre. Et entre-temps, ils ont invité le directeur général, Michel Côté, à se joindre à eux. Alors, ils sont allés chez Pierre et Jeannine, ils ont discuté d'art populaire, ils ont vu les pièces des Chatigny, entre autres, que Gauvreau avait dans sa propre collection. Et ils ont passé l'après-midi ensemble à discuter, à regarder aussi les œuvres de Gauvreau, de Jeannine Carreau, qui est peintre aussi. Et à la fin de la journée, au terme de la discussion, Michel Côté a dit à Pierre Gauvreau que nous ferions une exposition sur son œuvre, sur son univers, sur son univers de création. Et par la suite, quand ils se sont retrouvés, Pierre et Jeannine, Monsieur Gauvreau était déjà assez affaibli par la maladie. Ouais. Et il ne peignait pas presque plus. Et quand il a eu cette promesse de la part du musée d'une grande exposition, alors ça lui a donné l'énergie, l'élan nécessaire pour peindre encore trois tableaux. Et le dernier tableau, qui s'appelle Passe-partout pour l'insondé, est dans l'exposition. Oui, il l'a peint, je crois, un mois avant de décéder. Oui, c'est ça. Il est décédé 4 semaines après la visite de Michel Côté. Donc, si je comprends bien, c'est l'exposition Esprit libre qui est présentée dans la salle à côté de l'exposition Pierre Gauvreau qui, finalement, est un peu la pierre d'assise de tout ça, là. Bien, en fait, c'est par le biais de l'art populaire que les choses se sont enclenchées. Puis après, Gauvreau est décédé. Et quelques temps plus tard, Jeannine Carreau a décidé de faire une donation au Musée de la Civilisation. Et bon, si on l'a mentionné un peu, Pierre Gauvreau, c'est quand même quelqu'un d'important dans le domaine de la culture au Québec. Il en a marqué plusieurs pans au final. Absolument. Il faut savoir que Pierre Gauvreau est un signataire de Refus Global. Donc, il faisait partie des artistes qui se réunissaient chez Bordua, qui avaient des discussions autour de l'art, de la création, de la peinture, mais pas uniquement autour de ça. Ils avaient aussi une préoccupation pour tout ce qui se passait dans la société québécoise. En fait, ils étaient tous révoltés contre la présence de l'Église partout. L'emprise de l'Église catholique, ouais, dans les années 30, dans les années 40, c'est très important. Et eux, ils étaient révoltés contre ça parce que leur credo, c'était la liberté. Liberté de penser, liberté de dire, liberté d'écrire, liberté de créer. Et en fait, ils étaient aussi un peu contre les étiquettes, entre autres l'académisme. Hein, ouais. Gauvreau faisait ses beaux-arts à l'École des beaux-arts, évidemment, et il était pas très en phase avec ce qui était enseigné. Lui, il avait envie de faire autre chose. Et quand il a rencontré Bordua, ça a donné un... En fait, je devrais pas dire ça parce que il dessine dès l'âge de 15 ans. Hein? À 15 ans, il fréquente le Collège Sainte-Marie. C'est les Jésuites qui enseignent au Collège Sainte-Marie. Avant même de rencontrer Bordua, en Absolument. Fait, ses œuvres étaient assez modernes Absolument. Déjà. Là. Oui, tout à fait, parce que justement, c'est ce que je disais, il va être expulsé à 15 ans de l'École Sainte-Marie parce qu'il tient des propos anticléricales déjà. Il faut savoir que sa mère, Julienne Cinq-Mars Gauvreau, est athée. Son grand-père, le père de sa mère, était athée. C'était un libre penseur qui avait une bibliothèque extraordinaire et qui va léguer sa bibliothèque à sa fille. Sa fille va élever ses fils tout seul parce que le père de Pierre et de Claude Gauvreau va quitter le foyer. Et donc, il vit dans un contexte un petit peu en marge pour la société des années 30. Il a une éducation athée, il a accès à une bibliothèque où il y a énormément de livres à l'index, et donc il va développer une pensée par lui-même en lisant. Et il faut dire aussi que Mme Gauvreau était une femme très cultivée et elle tenait dans sa maison des soirées littéraires. Et les fils Gauvreau vont être élevés dans ce contexte-là. Et je reviens à l'âge de 15 ans où Pierre se retrouve au banc de l'école. Il est sorti de l'école, expulsé. Il passe une année sabbatique, entre guillemets, où il va dessiner, il va peindre, il va lire. Il va être initié au cinéma par la sœur de sa mère qui vit avec eux, la tante Baba, et il va vraiment découvrir un monde culturel qui va l'inspirer, qui va l'allumer. Et il a des amis d'enfance, c'est ce que vous découvrez aussi dans l'exposition. La première zone de l'exposition vous présente ses grands amis, Françoise Sullivan, son premier amour, Bruno Cormier. Bruno Cormier est aussi signataire de Refus Global, et c'est un psychanalyste qui est un des fondateurs de l'Institut Pinel. Et tous ces gens-là sont très, très amis. On est jeunes, on a 17 ans. C'est important de les présenter, hein, justement, ces gens-là, pour mettre en place un peu le personnage. Le contexte. Et l'été, au terme de l'été, que son année sabbatique, il y a à l'école, Bruno, lui, continue d'aller à l'école, Sainte-Marie, et il l'invite et lui dit, écoute, il y a une exposition des travaux d'élèves, des travaux d'été des élèves, tu devrais venir exposer tes choses. Alors Pierre accepte l'invitation, et là, c'est là que il est remarqué par Bordua, parce que c'est Bordua qui juge le concours. Il ne peut pas lui donner de prix parce qu'il ne fait pas partie de l'école, mais il va lui décerner un prix hors concours et il va surtout vouloir le rencontrer. Parce qu'il avait déjà décelé chez Gauvreau un talent extraordinaire. Et c'est comme ça que, il va accepter l'invitation de Bordua à condition qu'il puisse amener ses amis, François Sullivan, Bruno Cormier, Fernand Leduc, bon, ses amis des Beaux-Arts aussi. Ils vont tous se rencontrer chez Bordua qui, lui, enseigne à l'École du meuble et a déjà quelques élèves qui le suivent. Donc, c'est un peu des points de départ. Et puis là, chez Bordura, Couvreau va rencontrer Jean-Paul Riopel. Ça va être un ami de toujours, malgré les séparations, malgré les éloignements. Ils vont toujours se retrouver avec beaucoup de chaleur, dans une espèce de continuité amicale. Et on arrive à Refus Global. Qui a été marquant, mais peut-être j'ai envie aussi qu'on passe un peu, parce que Gauvreau, bon, c'est la peinture, mais c'est aussi la télévision. Oui, c'est ça, mais c'est Gauvreau, hein. Gauvreau disait lui-même qu'il n'y a pas de... C'est le même cerveau, hein. La peinture, l'écriture, la réalisation, c'est de la création, c'est trois façons différentes, mais c'est toujours le même cerveau. Alors oui, en 63, Gauvreau a deux enfants et doit faire vivre sa famille, il ne peut pas vivre de sa peinture. Il va commencer à travailler à la radio et après, il va devenir réalisateur. Il va réaliser des grandes séries comme d'Iberville, Radisson, les premières séries comme CSRCK, Rue de Lens. Ce sont toutes des séries des années 50-60 qui vont l'initier à ce médium qui est naissant, hein. Il va s'emparer de la télévision parce qu'il dit, si on s'empare pas de la télévision, ben on va devoir consommer la culture des autres. Ouais. Et donc déjà là, il était très visionnaire, il y avait un esprit d'avant-garde. Et là, il va toujours travailler pour l'ONF, pour Radio-Canada, la série Pépinot et Capucine, c'est Gauvreau qui l'a réalisé aussi. Donc, il va toujours poursuivre ce travail-là. Et quand Télé-Québec, Radio-Québec va arriver, il va y aller et puis il va produire des choses là-bas, notamment un film sur les artistes d'art populaire en 74. Et ça s'appelle Si le monde savait. Et là, il va découvrir les artistes qu'il aimait. Il aimait pas ça, appeler ces gens-là de l'art populaire. Pour lui, c'est des artistes autodidactes. Ouais, libre en fait de toute contrainte, d'une formation. Sans formation, sans influence. Ils étaient totalement libres et ça le fascinait complètement. S'il avait des préjugés, il le dit lui-même dans le magnifique film que Charles Binamé a fait sur Gauvreau, qui s'appelle « Gauvreau, l'obligation de la liberté ». Gauvreau le dit, si j'avais des préjugés, je les ai complètement aplanis, parce que ces gens-là, c'est des créateurs et ils m'ont donné une leçon. Et à partir de ce moment-là, l'art populaire va devenir extrêmement important. Ça va changer son regard sur l'art. Ça va changer aussi sa façon de peindre et de créer. Eh bien, Valérie Laforge, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire encore sur l'exposition. Oui. Pierre Gauvreau, j'espérais vous voir ici. C'est malheureusement tout le temps qu'on a. Donc, je vous remercie. Bien, je vous en prie. Puis venez voir l'exposition. Voilà. En plus, elle est présentée là, au Musée de la Civilisation jusqu'au 28 septembre prochain. Donc, ça nous laisse près d'un an pour y aller. On fait une courte pause. On écoute Animal Man. De retour à l'aérospatiale, j'accueille Jean-Tiane Lafrance. Bonjour Jean-Tiane. Bonsoir Julie, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, ça va très bien. Cette semaine, Jean-Tiane, je t'ai placé un peu en conflit d'intérêts puisque je t'ai envoyé voir une exposition à vue où oui. tu travailles. Oui, tout à fait. Je t'ai envoyé voir, en fait, tu l'avais déjà vu. Oui, bien je avant l'avais que déjà parle. Vu, je la vois presque tous les jours. Une très belle exposition d'ailleurs, une exposition de Richard Deschênes qui a lieu dans l'espace européen, c'est-à-dire la toute petite galerie qui est présentée jusqu'au 15 décembre en concomitance avec l'exposition de Gwenaëlle Bélanger avec qui tu as fait une entrevue la semaine dernière, je crois. Précisément. Donc, c'est intéressant que ces deux expositions soient présentées en même temps puisque même si elles sont très différentes, elles ont quelques points en commun. C'est François Simard qui a fait l'encadrement pour les deux expositions qui disait c'est comme du Photoshop analogique. Donc, du Photoshop sans ordinateur. Des manipulations sans technologie. Exactement. C'est de la manipulation de la photographie, mais à la main. Donc, avec des procédés qui sont pas de l'informatique. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, l'exposition, plus particulièrement de Richard Deschênes, c'est une exposition de photographie de presse, en fait, que l'artiste a découpé. L'exposition se nomme Soustraction. Ouais, au pluriel. Donc, Soustraction au pluriel. C'est une quinzaine d'œuvres qui sont exposées dans la petite galerie. Un peu à la manière de l'outil Étampe dans Photoshop qui va prendre un fragment de l'image pour aller le poser ailleurs avec plein de fragments d'images similaires dans la même image qui permettent de faire disparaître des éléments dans l'image. Donc, Deschênes le fait à la main. Donc, c'est un travail très, très minutieux. Ben oui. Et puis, c'est très bien fait. Donc, on s'en rend pas compte tout de suite. Il faut vraiment s'approcher quand même assez près des images pour discerner ces petits carrés, ces petits fragments qui sont apposés et qui viennent créer des répétitions dans les images. Donc, c'est des images qu'il a tirées des journaux. C'est sûr que en tirant des images des journaux, il y a toute une réflexion aussi autour de la photographie de presse qui peut en émerger, qui est quand même assez forte au niveau de toute la question de la retouche justement. Donc il y a des histoires comme une photographie qui s'est retrouvée au WordPress photo qui a été exposée cet été à l'espace 400e. La photo gagnante était très controversée parce que on s'est rendu compte qu'elle était composée de trois ou quatre photographies différentes, ouais. je crois. Donc ça crée la controverse dans un domaine où on parle de l'actualité, où on parle de la vérité, où on vient transmettre un message qui est supposé être de l'information. Ben ouais, d'autant plus que souvent la photographie, c'est une image du réel, tu sais, comme les gens vont le percevoir comme ça. Exactement, la photographie a vraiment un lien avec le réel qui est quand même très très fort. Donc c'est sûr que ça peut nous amener à réfléchir à tous ces enjeux-là qui sont liés à la photographie de presse, mais on se rend compte en regardant un peu les titres des œuvres qui se retrouvent en fait à être les légendes des photographies d'origine qu'il a pris dans la presse. Donc, il y a quelques photographies qui sont liées à des événements de l'actualité, mais la plupart du temps, c'est plutôt domaine des événements culturels, de la rentrée culturelle, des sorties de films ou des choses comme ça. Donc, ça va prendre un autre sens aussi. Mm-hmm. Ça va au-delà aussi de cette réflexion-là de la photo de presse, de l'instant décisif ou de ces choses-là. Et puis, je sais plus où est-ce que je m'en vais avec tout ça. Tu avais perdu ton idée. Mais oui, c'est ça exactement. Mais le résultat, en fait, c'est plutôt le résultat esthétique qui compte dans tout ce processus-là. L'artiste arrive à créer des lieux vidés de leur sujet principal avec une espèce d'ambiance énigmatique. On est comme pris par un questionnement de qu'est-ce qu'il y avait là avant que l'artiste intervienne pour faire disparaître quelque chose. Qu'est-ce que peut nous révéler le titre? Donc, puis c'est évidemment, très, très souvent, la figure humaine qui est effacée de ces lieux-là, des lieux qui se retrouvent vides. Donc, il y a toute la question de l'effacement, de la disparition, des lieux qui étaient faits pour accueillir des figures humaines, mais qui ne le sont plus. Donc, il y a comme un manque dans l'image. Et puis, sa technique va également chercher aussi du côté du dessin, de la sculpture, de la peinture. J'extrapole, mais je m'explique. L'artiste n'est pas un photographe en tant que tel, il ne fait pas de photographie. Il a beaucoup travaillé le dessin. Et puis, quand je parle de sculpture, c'est plus lié à l'addition, la soustraction des techniques liées au sculptural. Donc, lui, il va l'appliquer évidemment en deux dimensions à partir d'un médium papier. Mais c'est un peu le même type de démarche de réflexion d'y aller. Donc, il va additionner des fragments de papier pour soustraire des éléments dans l'image. Et puis, c'est un travail de composition aussi, donc un peu lié à la peinture. Donc, un travail de composition où on sent vraiment un travail de moine. Oui, parce qu'il ne suffit pas d'enlever la figure humaine. Encore faut-il qu'à l'image... Et un sens en elle-même, oui, par la suite. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment plus dans ces espèces de scènes énigmatiques qui créent... Il y a comme un mystère qui se cache là. L'artiste le nomme, si je me souviens bien, un lieu psychologique. Donc, où il y a une espèce de charge psychologique, une ambiance un peu inquiétante, une étrange... étrange... Voyons, je suis pas capable de le dire. Inquiétante étrangeté, de Freud. Donc c'est ça, une espèce de charge un peu cinématographique, parce qu'on est face à une scène. Présence, en fait. Oui. C'est quand même, ouais. Donc on se demande on se pose des questions, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. On est plus dans le domaine de l'après que dans le domaine du moment où la photo a été prise. On dirait qu'on est comme après le passage de quelque chose, d'un événement, d'un accident, de quelqu'un. Donc c'est quand même assez intéressant. C'est des choses qui sont beaucoup réfléchies dans le domaine de la théorie de la photographie en ce moment. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent à partir de ce moment de l'après dans la photographie, parce que la photographie a été très dogmatisé, si on veut, par le fameux instant décisif, un concept élaboré par Henri Cartier-Bresson, donc dans les années 50. Ouais. Donc le clic de la photographie qui doit correspondre à quelque chose qui se passe devant le photographe, alors que là on est plus dans l'après, dans quelque chose qui des traces de ce qui s'est passé. Donc ces traces-là, ça donne un côté narratif aussi, oui, parce que nécessairement on essaie de se reconstituer le fil. Oui, on embarque dans l'histoire, donc on est dans l'après, puis c'est des traces sous forme de petits morceaux de papier qui sont collés les uns à côté des autres. Donc c'est des œuvres qui sont très qui amène un côté très intime, si je peux dire ainsi. Sont très petites, c'est tiré de la presse, et puis donc on doit s'approcher, donc on a un contact quand même assez privilégié avec ces œuvres-là. On les examine, donc il y a un côté un peu précieux, puis avec cette minceur du papier, cette fragilité, c'est un très très beau travail que Richard Deschênes nous présente dans l'exposition Soustraction. Donc, exposition que tu recommandes. Oui, exactement. Donc, on a jusqu'au 15 décembre pour aller voir cette exposition-là, et par la même occasion, aller voir le travail de Gwenaëlle Bélanger, qui en vaut aussi beaucoup la peine. Et puis deux expositions qui se croisent de certaines manières. Donc, c'est assez intéressant, le travail qui est présenté actuellement à vue. Et puis, c'est pas parce que j'y travaille, c'est parce que je trouve que les expositions sont de De toute façon, Jean-Tiane, conflit d'intérêt ou non, t'es probablement une des meilleures personnes pour en parler, puisque tu les côtoies très, très régulièrement. Donc ça, on a quand même accès à de l'information privilégiée. Oui, tout à fait. Voilà. Ben, Jean-Tiane Lafrance, merci beaucoup. On fait une pause, on écoute un extrait de la pièce « Comice placebo ». Voilà, c'était un dernier extrait de l'album Kisama versus Josh McCurdy, publié sur les étiquettes Completely Gone Recordings. D'ailleurs, vous pouvez trouver le lien pour le téléchargement, ainsi que l'émission en balado, diffusion, les communiqués de presse, les liens de la revue de presse de Raymond Poirier aussi sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Vous pouvez aussi nous aimer sur Facebook, question de nous suivre un peu plus quotidiennement. Sur ce, c'est déjà l'heure de la fin de l'émission. Avant de terminer, je vous invite demain à 19h, il y a une conférence au Musée national des beaux-arts, un goût pour l'art moderne, les primitivistes et les nabis. C'est en lien, bien entendu, avec la collection, l'exposition sur la collection Pelé. Et jeudi à 17h, c'est le vernissage de l'exposition de Nadia Mir à la Galerie des arts visuels. Sur ce, restez à l'écoute. Gilles Chaumel s'en vient avec Folk d'Amérique. Je vous souhaite une bonne soirée sur les ondes de CKRL.